L'expression Québec libre a agi comme un aimant sur les matraques de la police municipale à l'occasion de la première journée de la visite de la reine Élisabeth à Québec. Ces talents, mettez-les au service de l'œuvre qui attend notre siècle. La souveraine était à ce moment à l'intérieur du Parlement, répondant à la bienvenue du Premier ministre Jean Lesage, par l'expression de sa joie de se trouver dans un pays du Commonwealth qui lui fournit l'occasion de s'exprimer de façon officielle en français. Je sais que pour beaucoup, la vie n'est pas facile. Je sais que pour beaucoup, la vie... La foule a défilé silencieusement devant l'hôtel de ville pour protester contre ses arrestations. Je sais que pour beaucoup, la vie n'est pas facile. Les problèmes auxquels se heurte l'humanité... La foule a défilé silencieusement devant l'hôtel de ville pour protester contre ses arrestations. Il y a les difficultés causées par un excès de population, par la faim, par la sécheresse et par le manque d'énergie. Je vous souhaite à tous un bon et joyeux Noël.